Rosa, elle regardait un monde en noir et blanc. De ses yeux verts, elle se souciait peu des guerres, des querelles, des conflits politiques, des conflits familiaux. Elle regardait le monde en noir et blanc. Elle adoucissait les mœurs. Elle nous regardait en se disant: pourquoi les hommes sont-ils si compliqués quand ils pourraient vivre comme des chats?